plus on avance dans la vie, plus on aimerait faire marche arrière. Les proches partent en un clin d'œil, c'est la fin de carrière. Le temps passe, il nous reste que les souvenirs. Obligé de surmonter le meilleur ou le pire. Plus on avance dans la vie, plus on aimerait faire marche arrière. Les proches partent en un clin d'œil, c'est la fin de carrière. Le temps passe, il nous reste que les souvenirs. Obligé de surmonter le meilleur ou le pire. Je cours vers l'avenir, à tous les coups je me casse la gueule. Comme dans le générique de la petite maison dans la prairie. Même le climat prend des gifles, c'est la faute de l'espèce humaine. De nos jours on a des soleils d'été. En plein hiver le désespoir à ma plume est allié. Avec toutes mes plus belles années, ma notion de bonheur s'en est allée. Quand je vois des michetonneuses qui sont mariées, je me dis que l'amour n'est aveugle que dans les chansons d'Gilbert Montagnier. Certaines sont devenues RMistes, attendent le 6 du mois. D'autres ont du taf et se lèvent tous les jours à 6 du mat. Vouloir imiter le grand frère cause beaucoup de dégâts. Arrivé au même âge, la vie devient un court métrage. Je suis devenu majeur, c'est plus la même. Beaucoup de choses ont changé, mis à part les rues du quartier. Les rides sur le visage de ma daronne me donnent beaucoup de regrets. Le destin garde un œil sur nous, de loin ou de près. Plus on avance dans la vie, plus on aimerait faire marche arrière. Les proches partent en un clin d'œil, c'est la fin de carrière. Le temps passe, il nous reste que les souvenirs. Obligé de surmonter le meilleur ou le pire. Plus on avance dans la vie, plus on aimerait faire marche arrière. Les proches partent en un clin d'œil, c'est la fin de carrière. Le temps passe, il nous reste que les souvenirs. Obligé de surmonter le meilleur ou le pire. La rue c'est l'asile, plus on est de fous, plus on rit. Le courant d'air du frigo vide me rappelle que la prime motive. Moi j'ai plus le temps de m'asseoir sur le fil du rasoir. Obligé de faire la caille, je vais pas laisser mes petites sœurs crever la dalle. Quand t'as rien à gérer c'est plus facile. Qui aurait dit qu'on serait tous devenus des hommes d'une façon si rapide. La paix s'est faite licenciée avant son départ en retraite. La colombe se transforme en Boeing 747. Quand on est petit on calcule rien, ça s'appelle innocence. Quand on grandit on se dit que le passé nous a pris notre chance. Le temps agit en maître, le malheur lui tue ses élèves. La nostalgie fait grève, ainsi la pendule se dérègle. C'est pour les absents et ceux qui nous ont quittés. Ceux qui à cause de la poisse n'ont pas tiré le bon ticket. Le droit chemin n'est pas indiqué. Depuis se projeter vers l'avenir devient compliqué. Plus on avance dans la vie, plus on aimerait faire marche arrière. Les proches partent en un clin d'œil, c'est la fin de carrière. Le temps passe, il nous reste que les souvenirs. Obligé de surmonter le meilleur ou le pire. Plus on avance dans la vie, plus on aimerait faire marche arrière. Les proches partent en un clin d'œil, c'est la fin de carrière. Le temps passe, il nous reste que les souvenirs. Obligé de surmonter le meilleur ou le pire. Le parcours de la vie, c'est une naissance et un sourire. Une maman soulagée, un jeune père qui voit son rêve s'assouvir. Un bébé qui découvre le monde en un soupir. Une mère qui va devenir grand-mère à sa plus grande surprise. Et pour chacun de nous, chaque histoire suit son cours. Toute expérience vaut la peine d'être vécue, comme on dit c'est même tout. On aurait tous voulu être des stars des terrains de foot. Maintenant notre passe-temps c'est esquiver les stars et rien foutre. Même si ta vie est une pute, tu t'en souviendras. Quand la mort se présentera pour une passe sous Viagra. Je veux apporter ma pierre à l'édifice, mais je suis malheureux comme un palestinien manchot en pleine intifada. Moi j'ai que le mic pour outil de travail. Une petite touche de mélancolie en aucun cas ne suscite la rage. Le temps passe à en croire la boîte à musique. J'ai du mal à éclore comme une rose arrosée à l'urine. Plus on avance dans la vie, plus on aimerait faire marche arrière. Les proches partent en un clin d'œil, c'est la fin de carrière. Le temps passe, il nous reste que les souvenirs. Obligé de surmonter le meilleur ou le pire. Plus on avance dans la vie, plus on aimerait faire marche arrière. Les proches partent en un clin d'œil, c'est la fin de carrière. Le temps passe, il nous reste que les souvenirs. Obligé de surmonter le meilleur ou le pire.